الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أما بعد، قال 159، قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، فإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. En français ça donne: si l'un d'entre eux te pose une question à ce sujet et qu'il cherche à être guidé, parle-lui et oriente-le. Mais s'il vient débattre avec toi, prends garde à lui, car on nous a interdit le débat, la dispute, la polémique, l'opposition, la controverse et la colère. Et cela fait quitter la voie de la vérité. Il ne nous est pas parvenu qu'un seul de nos juristes qu'on consulte et savant ait polémiqué et débattu en controverse, en controversé. Charh explication. Qawluhu, parole de l'auteur rahimahullah ta'ala: wa idha sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha al-bab wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshidhu. Donc on a dit: si l'un d'entre eux te pose une question à ce sujet et qu'il cherche à être guidé, parle-lui et oriente-le. As-sa'ilu yanqasimu ila qismayn. Les gens qui viennent poser des questions sont de deux catégories. Al-qismu al-awwal, la première, sa'ilu mustarshid, quelqu'un qui demande, qui cherche à être orienté. Fa hadha lahu al-haqqu annaka tujibuhu wa tuwaddihu lahu wa tushajjihu. Celui-là, il a un droit sur toi, c'est que tu lui répondes, bien sûr si tu as la réponse, et que tu lui clarifies les choses et que tu l'encourages. Al-qismu al-thani, la deuxième catégorie, sa'il muta'annit, mu'taridun, yushabbihu 'ala an-nas. Deuxième, c'est quelqu'un qui interroge. Muta'annit, on a dit, c'est qui vient qui cherche la difficulté. Il cherche pas à savoir et à être orienté et à appliquer en conséquence, mais il cherche juste à discuter, débattre, faire du bruit. Mu'taridun, quelqu'un qui s'oppose à ce que tu vas lui dire. Yushabbihu 'ala an-nas, et qui provoque des équivoques, qui met le doute chez les gens. فَهَذَا احْذَرْهُ وَلَا تَدْخُلْ مَعَهُ فِي مَيْدَانِ. Celui-là, prend garde à lui, et ne rentre pas avec lui dans ce sujet. Ne rentre pas dans le débat et la polémique. فَإِنَّكَ إِذَا تَرَكْتَهُ انْحَسَمَ الْأَمْرِ. Si tu le laisses, tu le délaisses et tu ne rentres pas avec lui dans le débat et la discussion, انْحَسَمَ الْأَمْرِ. انْحَسَمَ, c'est-à-dire ça prendra fin. C'est-à-dire le sujet, il va être clos. وَإِذَا دَخَلْتَ مَعَهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَزِيدُ شَرًّا. Par contre, si tu entames la polémique avec lui, la discussion, ça ne va que rajouter du mal sur du mal. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّكَ الْفِتْنَةَ. Et celui-ci veut تَحْرِكَ الْفِتْنَةَ, c'est-à-dire il veut juste provoquer la zizanie, la discorde. فِي هَذَا الْبَابِ, يعني باب الأسماء والصفات. Quelqu'un vient t'interroger à ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet qui a relation avec les noms et les attributs d'Allah. قوله وإذا جاءك يناظرك فاحذره. Donc il dit, s'il vient débattre avec toi, prends garde à lui. إن كان قصده المناظرة والمجادلة فاتركه. S'il vient pour il veut la discussion, le débat, la polémique, tout ça, prends garde à lui. Si c'est ça son but, لا تدخل معه. Ne rentre pas dans la discussion avec lui. C'est pas quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui veut faire du bruit et s'imposer. قوله فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. Il dit, il y a dans le débat la dispute, la polémique, l'opposition, la controverse et la colère. لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في الحلقة قال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. C'est pour cela un homme est rentré dans l'assise de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah. Il lui a dit, Allah dit dans le Coran, الرحمن على العرش استوى, sourate 20 verset 5, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. كيف استوى, il lui a dit comment il s'est établi. فأطرق مالك رحمه الله برأسه, l'imam Malik rahimahullah a baissé la tête. حتى عرق من الحياء من الله عز وجل, jusqu'à ce que des gouttes de sueur ont coulé par pudeur envers Allah. ثم رفع رأسه وقال, puis il a relevé la tête en disant, الاستواء معلوم, L'établissement d'Allah sur le trône est connu. وَالْكَيْفُ مَجْهُولُ Le comment est ignoré. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبُ Y croire fermement est une obligation. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ Interroger à ce sujet est une innovation. وَمَا أُرَاكَ إِلَّا رَجُلًا فِتْنَةٌ Et on ne t'aperçoit comme étant un homme qui veut provoquer la discorde. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجُ Il a ordonné l'imam Malik à ce qu'il soit sorti de l'assise. لِيَنَّهُ لَا يَقْصِدُ الْإِسْتِرْشَادَ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ التَّشْبِيهَ عَلَى النَّاسِ C'est pas quelqu'un qui cherche à être orienté, c'est quelqu'un qui cherche à désorienter les autres. وَنَفِيَ الْإِسْتِوَى وَتَفْسِيرَهُ بِغَيْرِ تَفْسِيرِهِ الصَّحِيحِ Il veut interpréter les choses d'une autre manière que celle qui est conforme. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا أَنَّهُ نَاظَرَ أَوْ جَادَلَ أَوْ خَاصَمْ Il ne nous est pas parvenu qu'un seul de nos jurisconsultes et savants et polémiqués, débattu ou controversé. أي لم يفعل هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة. C'est-à-dire, aucun parmi les ulama ne serait rentré dans ce type de polémique et de discussion. Derrière quoi il y a إثارة الفتنة, la propagation de la discorde, et تشكيك الناس, c'est que les gens vont être semer les anil, ça va semer un doute chez les gens. ونشر البلبلة Et la discussion sans aucun fruit derrière. Al-balbala, discussion où il n'y a rien derrière, il n'y a aucun profit. La ahada min al-a'imma wal-ulama wa salafi hadhihi al-umma dakhala hadha al-maydan. Aucun parmi les ulama, les prédécesseurs, ne sont rentrés dans ce type de discussion et de débat. Wa inna ma yurshiduna as-sa'il al-mustarshida. Ils orientent le questionneur qui cherche à être orienté. La as-sa'il al-muta'annit. Pas le questionneur qui cherche à imposer son avis, qui ne cherche pas à être orienté. الذي لا يريد الفائدة وإنما يريد إثارة الفتنة والجدال. Donc, celui, le questionneur, qui ne vient pas pour profiter, tirer profit, mais le questionneur qui veut propager la discorde, la discussion, la controverse, والمناظرة, le débat, والدين واضح ولله الحمد. La religion est claire et apparente. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Allah dit dans le Coran, surat numéro 40, surat Ghafir, verset numéro 4. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Wal Quran wadih bayyin, falaysa fihi jidal. Quran est clair, nu'minu bihi wa nuthbitu ma ja'a bihi. On y croit fermement et on affirme ce qu'il contient. Nu'minu bihi lafdan wa ma'nan. Nous croyons en ses termes, nous croyons en son sens, et on l'applique conformément comme il est venu d'Allah et de son messager. C'est ça l'obligation qui nous incombe, qui incombe à chacun d'entre nous. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه Donc il dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit Le sage ne dispute pas et ne dupe pas Il répond sa sagesse Si elle est acceptée, il loue Allah Si elle est rejetée, il loue Allah Un homme va trouver Al-Hassan Il lui dit je veux débattre avec toi au sujet de leur religion. Al-Hassan rahimahullah répondit, pour ma part, j'ai connu ma religion, si tu as perdu la tienne, pars à sa recherche. Charh explication. قوله قال الحسن البصري رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري. Donc il a dit, Al-Hassan al-Basri a dit, le sage ne dispute pas et ne dupe pas. Al-Hassan al-Basri huwa al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri, l'imam al-mashhur min al-tabi'in. Donc Al-Hassan al-Basri, c'est Il s'appelle Al-Hassan, fils de Abu al-Hassan al-Basri, donc d'Irak, al-Basra, qui fait partie des tabi'in. Je vous ai déjà dit, il est mort en l'an 110 de l'Hégire, la même année que Muhammad ibn Sirin. Yaqul al-Hakim, ay alladhi 'indahu hikma. Le sage, celui qui est doté de sagesse. Wal hikma, wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi. Al-Hikma, c'est quoi? C'est mettre la chose à sa place. mettre chaque chose à sa place. وكذلك الحكيم يعني الفقيه. Également le sage, dans les textes, on peut le sous-entendre comme étant le juriste, quelqu'un qui est doté de savoir. فالحكيم يراد به معنيان. Le sage a deux sens, celui qui met les choses à leur place et celui qui est doté de science religieuse. المعنى الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعها. Premier sens, celui qui met les choses à leur place. ويراد به أيضا الفقيه لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله. Parce que la sagesse, c'est la connaissance de la religion, la connaissance de ce que Allah et son messager veulent dire. لا يماري, لا يماري من الممارات. Donc ici, mais dans la traduction, le sage ne dispute pas et ne dupe pas. Le sage ne dispute pas. لا يجادل جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة. Il ne discute pas. الجدال العقيم, العقم, c'est la stérilité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Ici, le jidal, une discussion qui ne ramène pas, qui n'enfante pas de profit, si tu veux. Il n'y a aucun profit derrière. جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة. Il n'y a pas de profit derrière. ولا يداري, et ne dupe pas. لا يداري أهل الباطل ويستسلم لهم. Yani ce, ne discute pas à tort et à travers ou se soumet aux gens qui veulent propager le tort. قوله حكمته يعني علمه ينشرها إن قبلت حميد الله. Sa sagesse, sa science, son savoir, il la répand. Si elle est acceptée par les gens, il loue Allah. هذا هو المطلوب. C'est ça qui est demandé. وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمته وبلغ الحجة. Si les gens acceptent, tant mieux. S'ils acceptent pas, il a fait son travail. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قوله حمد الله لأنه قام الحجة وبلغ الحجة. Il loue Allah parce que il a posé l'argument sur les gens, dans le sens qu'il leur a clarifié la vérité. Il a transmis les informations. وأدى ما عليه. Son travail, il l'a fourni. وَهِدَيَةُ الْقُلُوبِ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. La guidée des cœurs, l'acceptation de ces choses-là, هِدَيَةُ التَّوْفِيقِ, la guidée de réussite, ça c'est dans les mains d'Allah, c'est pas dans les mains de la créature. قَوْلُ الْحَسَنِ, l'imam al-Hassan al-Basri a dit, أَنَا عَرَفْتُ دِينِي. Il a dit à une personne qui est venue pour discuter et débattre avec lui, il a dit, j'ai connu ma religion. فَإِنْ ضَلَّ دِينُكَ فَذْهَبْ فَطْلُبْهُ. Si la tienne, tu l'as perdue, voilà, va, mets-toi à sa recherche. هذه كلمة حكمة. C'est une parole de sagesse. لما قال أنا أناظرك في الدين. رحمك الله. Quand une personne lui a dit je débat avec toi dans la religion. قال الحسن أنا عرفت ديني. حسن lui a dit j'ai connu ma religion. أنا لست في لبس حتى أناظر وتجادل معك. Je n'ai pas d'équivoque ou de problème afin que je rentre avec toi dans une dispute ou un débat. أما أنت إن كان دينك ليس معك فذهب. Toi, si tu es dans le cas contraire, alors pars à sa recherche. قال المؤلف رحمه الله وعلم أن الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit également ça il l'a pas cité. تقدم شرح هذا. Il dit Cheikh Al-Fawzan, on a déjà parlé de ça auparavant. قال المؤلف رحمه الله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقول الله كذا ويقول الآخر ألم يقول الله كذا فخرج مغضبا فقال بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال. Donc il dit le messager صلى الله عليه وسلم entendit des hommes parler devant sa porte. L'un d'entre eux dit Allah n'a-t-il pas dit ceci? Et un autre dit, Allah n'a-t-il pas dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en colère et dit, est-ce cela que je vous ai ordonné? Est-ce cela, est-ce avec cela que j'ai été suscité parmi vous pour opposer des parties du livre d'Allah les unes aux autres? Il leur a interdit la polémique. Al-munadara innama takunu fil ashiya' al-khafiyya allati la yudra man al-haqq ma'ah. Le débat est légitime quand c'est à propos de choses ou de sujets qui sont complexes, de sujets qui sont cachés, difficiles à atteindre. On ne sait pas la vérité, elle est où. فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي الرجلين. Donc il dit dans ce cas-là, le débat est louable pour savoir la vérité, elle est où, et pour que la vérité apparaît au grand jour. C'est lequel, laquelle des deux fractions qui détient la vérité. أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة. Par contre, quand la vérité apparaît au grand jour, là le débat et la polémique n'est pas acceptable. لأن المناظرة يريد التأثير على الحق وصرف الناس عنه. Car celui qui débat, il veut avoir effet ou faire effet sur la vérité et faire écarter les gens de cette vérité, parce qu'il veut imposer son avis. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit abihadha amartukum, quand un disait Allah n'a-t-il pas dit ceci, l'autre dit Allah n'a-t-il pas dit cela, est-ce que c'est cela que je vous ai ordonné. Hadha hadithun azim, ceci est un hadith grandiose. Lamma sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qawman yatajadaluna fil quran, quand il entend des gens débattre, discuter, polémiquer à propos du Coran. Wa yakhudun al-ayat al-mutashabihat ويحتجون بها, prennent des versets qui sont équivoques et chacun il argumente à ce sujet. كل يأخذ آية تعارض الآية الأخرى, chacun il prend un verset qui contredit un autre verset. ويقول ألم يقول الله كذا, disant Allah n'a-t-il pas dit ceci. ثم يقول الآخر ألم يقول الله كذا, le deuxième il dit Allah n'a-t-il pas dit cela. فهذه طريقة أهل الزيغ, ça c'est la voie de ceux qui sont les adeptes de la division, la déviation, comme c'est cité dans le verset. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. C'est lui qui a fait descendre le livre sur toi. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à une interprétation diverse. Les gens donc qui ont cœur, une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Surat 3, verset 7. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ أَبِهَذَا أَمَرْتُكُمْ, c'est pour ça qu'il leur a dit, est-ce que c'est cela que je vous ai ordonné. الرَّسُولُ يَنْهَا, ça c'est هذا سؤال توبير, ça c'est une question de blâme, c'est pas une question où il attend une réponse qui leur dise oui tu nous as ordonné ça ou tu nous as ordonné, une question de blâme dans le sens je ne vous ai jamais ordonné cela. الرَّسُولُ يَنْهَا عَنْ هَذَا قَالَ لَا تَضْرِبُ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ, ne frappez pas le Coran, une partie du Coran sur une autre partie. كِتَابَ اللَّهِ لَا يَتَضَارَبُ أَبَدًا وَلَا يَتَعَارَضُ, le livre d'Allah il ne se contredit pas, il n'y a pas une partie qui contredit une autre. إِذَا وُفِّقَ الْعَالِمُ لِفَهْمِهِ, quand la personne de science, Allah lui accorde la réussite dans sa compréhension. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَارَضُ وَيَتَضَارَبُ عِنْدَ الْجَاهِلِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ أُصُولُ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ, le Coran il va être divergent, un passage sur un autre, chez les gens qui sont ignorants, qui n'ont pas les fondements de la science pour comprendre les textes, pour comprendre qu'un texte il est général et un texte il est spécifié, pour comprendre qu'un texte il a été abrogé, c'est au début, après un texte il est venu étant abrogeant, etc. ثم قال l'auteur رحمه الله dit وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة ومالك ابن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من ناشطات نشطى فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره. Donc il dit ensuite l'auteur رحمه الله البربهاري dit Ibn Omar détestait le débat de même que Malik ibn Anas et d'autres venus avant lui et après lui jusqu'à aujourd'hui. La parole d'Allah est plus grande que la parole des créatures. Allah a dit seuls ceux qui ont mécru polémique sur les versets d'Allah. Un homme demanda à Omar ibn Khattab, que sont ceux qui recueillent avec douceur? Il répondit, si tu avais eu le crâne rasé, je t'aurais tué. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne dispute pas et au jour de la résurrection, je n'intercéderai pas pour celui qui dispute. Donc délaissez la dispute en raison de peu du bien qu'elle contient. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة. لوتور رحمه الله دي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديتستي لو ديبا. عبد الله بن عمر بن الخطاب ديتستي لو ديبا. المراد بالمناظرة التي القصد منها التشويش على الناس. دونك دي لا لا سكي فولو بار لو ديبا ici c'est celle qui provoque des troubles chez les gens. تشويش qui provoque des troubles. وكل ينتصر لرأيه. Chacun il veut soutenir son avis. لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه. Il veut pas, il cherche pas la vérité. Lui veut argumenter pour que son opinion elle soit celle qui est prise en compte, celle qui est juste. وأن يغلب خصمه. Il veut juste prendre le dessus sur son disputeur. هذه مناظرة مذمومة. Ça c'est un débat qui est mauvais. أما إن كان القصد منها الوصول للحق ومعرفة الحق مع من كان. Par contre, si leur but, c'est chacun, il vient, il expose ce qu'il a, recherchant la vérité. S'il a tort, il revient sur son avis. ثم يرجعون إلى الحق. فهذا شيء مطلوب. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est quelque chose de louable. قوله, l'auteur, رحمه الله, dit, ومالك بن أنس, ومن فوقه ومن دونه, إلى يومنا هذا. Ainsi que Malik ibn Anas et d'autres venus avant lui et après lui jusqu'à aujourd'hui. يعني يكرهون المناظرة. C'est-à-dire, il détestait le débat. Malik ibn Anas, c'est l'imam Malik, ma'ruf. Ma'anda al-munadara, qad tata'ayyanu ahyanan. Lakin al-insan fi aafiyatin la yadkhulu fi al-munadara illa 'inda al-darura. Il dit alors que, parfois le débat, il est impératif. Tata'ayyan, c'est-à-dire que on a besoin du débat. Il est impératif, il faut le faire. Mais la personne, elle est fi aafiyah, la personne, elle est hors débat, elle ne rentre pas dans ce domaine, sauf si c'est en cas de nécessité. وإذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى. Si la personne elle est prête, elle est préparée à cela. وتجرد عن الهوى et qu'elle est c'est déchue de la passion, c'est-à-dire que elle recherche la vérité, elle ne rentre pas dans le débat pour affirmer son opinion. لا يكون همه أنه ينتصر. Il faut pas que son but ce soit de tirer sortir vainqueur. يكون همه أن ينتصر الحق أو أنه ينتصر الحق سواء كان معه أو مع خصمه. Que ce soit avec lui, la vérité soit avec lui ou avec l'autre. هذه المناظرة الصحيحة. C'est ça le débat qui est louable, qui est juste. لهذا جعل الإمام الشافعي أنه قال رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي a dit ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يده فانتفع. Il dit, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans vouloir que la vérité soit de son côté à lui, afin qu'il tire profit. Et on tire profit tous. Et son but, ce n'était pas que c'est lui qui sera vainqueur du débat. Ce qu'il veut, c'est que la vérité apparaisse et que chacun l'emprunte. Et que chacun l'emprunte. معه أو مع غيره. La vérité soit avec lui ou avec autre. وقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Ne discute à propos des versets d'Allah que ceux qui ont mécru. Le verset المجادلة في آيات الله تكون بإنكارها. Discuter à propos des versets d'Allah, c'est dans le sens de les réprouver. وتكون يضرب أو تكون بضرب بعض القرآن ببعض. En utilisant des versets de Coran et en disant ce verset là, il contredit l'autre verset. ومعارضة بعضه ببعض هذا فعل الكفار. Disant que cette partie du Coran contredit l'autre partie. Ça c'est l'action des كفار. لهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول يا رحمن يا رحيم قالوا انظروا إلى هذا يزعم أن له إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم. C'est pour cela quand ils ont entendu le prophète صلى الله عليه وسلم invoquer dans sa prière disant ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, Rahman, Rahim, les kuffars ont dit, écoutez celui-là, il prétend avoir une divinité, alors qu'il invoque le tout miséricordieux et il invoque le très miséricordieux. Il est bessoun al-nas. Ils veulent provoquer la discorde chez les gens. En Rahman ilahun mustaqil, wa Rahim ilahun mustaqil. Faisant sous-entendre aux gens que Rahman, c'est une divinité, tout miséricordieux, c'est une divinité. الرحيم سي نوتر ديفينيتي فانزل الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله révélé un verset suite à cet événement. Surat al-Isra. Dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Surat 17, verset 110. قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب. Un homme a demandé à Omar. Cet homme-là, وهو صبيغ بن عسلين الذي كان مشهورا بالجدال. Cet homme est صبيغ. صبيغ, صبيغ, s'appelle صبيغ, معروف. صبيغ. ممكن ايه. يعني صبيغ بن عسل était quelqu'un connu pour la polémique. كان مشهورا بالجدال. والفضوليات في عهد عمر. S'occupant de choses qui sont des choses superflues, des choses inutiles. فضول الكلام, c'est des choses, des paroles futiles. سأله في عهد à l'époque de عمر. سأله عن والناشطات نشطة. Il a interrogé عمر à propos du verset à propos du verset dans le Coran. والناشطات نشطة, c'est-à-dire que sont ceux qui recueillent avec douceur. Naziati gharqan wa nashitati nashtan. Parlant des malaïka qui enlèvent les âmes des gens pieux d'une manière douce. Mahia, il a dit de quoi parle ce verset. Wa huwa laysa bihaja ila hada. Alors qu'il n'avait pas besoin, il n'a pas besoin de cela. Kan al-wajib an yas'ala an umuri dini wa an umuri aqidati. Il aurait bien fait de demander à propos de choses importantes, de choses religieuses, de choses ayant attrait à la croyance. Interroger à propos de cela, ça c'est quelque chose qui est simplifié dans, notamment dans les livres qui traitent de l'exégèse. Il aurait mieux fait d'interroger sur des choses, choses plus importantes. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه. Donc il dit, sujet futile, l'étudiant en sciences n'est pas censé interroger à ce sujet. Il y a certains ulama qui ne répondent pas à des questions parce que c'est des questions de football. Questions, choses inutiles. Tu sais ou tu ne sais pas cette chose-là, ça ne te rajoute rien dans ta connaissance, dans ta croyance, dans ton application, dans ta conviction. وَيَشْغَلَ مُدَرِّسَهُ بِهَا. Et en même temps, tu vas troubler ton professeur, celui qui va te répondre à ta question, à travers cette question. إِنَّمَا يَسْأَلُهُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ وَعَنْ الْمُهِمَّاتِ. Interroge-toi plutôt sur les sujets d'importance, sujets ayant trait à la croyance, etc. قَالَ لَوْ كُنْتَ مَحْلُوقًا يعني حَلِيقَ الرَّأْسِ. Il lui a dit si tu étais محلوق, c'est-à-dire si tu avais le crâne rasé, لِيَنَّ هَذِهِ صِفَةُ الْخَوَارِجِ. Parce que c'était la caractéristique distinctive des khawarij à cette époque. Ils avaient le crâne rasé. هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة. C'est eux qui posent ce type de questions. فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضربا. Il lui dit si tu avais le crâne rasé, je t'aurais fait très mal. فهذا السؤال من جنس أسئلة الخوارج. Cette question, c'est une des questions qui ont attrait يعني les خوارج. لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. Ils interrogent sur des choses dont ils n'ont pas besoin. قوله لا ضربت عنقك. Je t'aurais tué. J'aurais frappé ton cou, dans le sens je t'aurais coupé la tête. Je t'aurais tué. Car قتلتك. لأن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. Pourquoi? Parce que le خوارج, le prophète صلى الله عليه وسلم, dans plusieurs hadiths, a ordonné de les tuer. قال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم في الحديث. Là où vous les trouvez, tuez-les. ولئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. Et si jamais je les atteins, j'atteins ce peuple, je les tuerai. قتل عاد. والخطاب هذا خطاب لولاة الأمور وليس خطابا لكل أحد. Ce hadith là, c'est une recommandation qui est faite en faveur des gouvernants, des gens qui ont l'autorité dans les pays, dans les contrées, dans les villes. Ce n'est pas à chaque individu d'appliquer ça. الشيخ يدي فلا تأخذ معك سلاحا وتقتل كل من اتهمته أنه من الخوارج هذه فوضى. Il dit ne prends pas avec toi des armes et chaque fois que tu penses que quelqu'un c'est un kharidji, tu le tues. Ce n'est pas comme ça qu'on agit. Ça c'est le désordre total. الذي يقتل هو ولي الأمر. Celui qui ordonne yani, les exécutions, c'est Wali al-Amr, le dirigeant, ou ceux qui sont sous l'autorité du dirigeant suprême. Wa Umaru huwa Wali al-Amr, radiyallahu anhu. À cette époque-là, c'était Umar qui avait le khilafa entre l'an 13 et l'an 23 de l'Hégire. Qawluhu al-mu'minu la yumari, wa la ashfa'u lil-mumari yawm al-qiyamah, fada'u al-mira li qillati khayrihi. Donc il dit, le croyant ne dispute pas, et au jour de la résurrection, je n'intercéderai pas pour celui qui dispute. Donc délaisser la dispute en raison du peu de bien qu'elle contient. Al-mira huwa al-jidal bi ghayri fa'ida. Al-mira, il dit donc, c'est al-jidal, c'est la dispute derrière laquelle il n'y a aucun profit. Hada huwa al-mira. Huwa al-jidal bi ghayri alladhi yab'athu 'ala at-tashkik, qui engendre quoi? Le trouble chez les gens, ils sont dans un doute. Ils sont perturbés. Voyez, le waqt bighayri fa'ida, perdre du temps sans aucun profit derrière. Al-mumarat wal-mujadala wal-munadhara kulluha bima'nan wahid. Al-mumarat wal-mujadala wal-munadhara. Donc il dit la dispute, la controverse, comme il disait avant, la discussion. Il y a des petites différences qu'a cité Ibn al-Qayyim dans certains livres, mais c'est des différences vraiment minimes. Il dit, ça a un seul sens. Al-mu'min la yumari. المؤمن الكرويان تشكت با طوري اترافير اي من علامات المؤمن انه يتجنب الممارات التي لا فائده فيها parmi les signes distinctifs du croyant c'est qu'il s'écarte de la discussion dans laquelle il n'y a aucun profit ولا اشفع للممار يوم القيامه je n'intercéderai pas à celui qui fait le ممارات le jour de la résurrection هذا وعيد شديد للممار فيه التحذير من الممارات ça c'est une lourde menace à l'égard de celui qui fait cela, qui discute à tort et à travers. Fada'u al-mira li qillati khayrih, délaisser la discussion futile à cause du peu de bien qu'elle contient. Yaqulu ba'd al-ulama fi kutub al-aqa'id al-manzuma, fala mira'a wa ma fi ad-din min jadal wa hal yujadilu illa kullu man kafara. Il dit, dans certains livres ayant attrait à la croyance, manzuma, donc qui sont sur la shakl nazm, comme de la poésie, il a été dit, il n'y a pas de mira, il n'y a pas de discussion futile. Et dans la religion, il n'y a pas de jadal, est-ce qu'on a le jadal? Il n'y a pas de polémique. وَهَلْ يُجَادِلُ إِلَّا كُلُّ مَنْ كَفَرَ. Et ceux qui, il y a cette caractéristique, qui est la polémique, est une caractéristique de tous ceux qui ont mécru. نظم مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الشيخ أحمد بن مشرف الأحساء المالكي كما في ديوانه. الحديث هذا حديث ضعيف, حديث ضعيف جدا, كما في notre certains نسخ, certains écrits, ils ont cité que ce hadith n'est pas authentique, mais il y a d'autres hadiths qui viennent montrer que le jidal, le mira, tout ça, ce n'est pas quelque chose de louable. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. Ensuite l'auteur رحمه الله تعالى il dit, il n'est permis à personne de dire un tel est un adepte de la sunna jusqu'à ce qu'il constate qu'il a réuni en lui les caractéristiques de la sunna. Donc on ne doit dire qu'il est un adepte de la sunna que lorsqu'il réunit toute la sunna. Sharh, explication. La tuzakki shakhsa wa tamdahuhu illa an ilm. Il dit, ne fais pas l'éloge de quelqu'un et ne fais pas l'éloge de quelqu'un et ne complimente pas quelqu'un illa an ilm, si ce n'est que tu es sur une clairvoyance. Li'alla yartarra an-nas bi madhika lahu wa huwa laysa kadhalik. Pour pas que les gens ils se font induire en erreur disant qu'un tel a fait les éloges d'une personne alors que ce n'est pas, il ne les mérite pas. Fa idha tahaqqaqta minhu wa min tariqatihi ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. Quand tu es sûr de sa voix, de sa science, de sa connaissance, c'est quelqu'un de droit, dans ce cas-là, tu peux passer à la recommandation. أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا فهذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص. Il dit par contre que tu te mets à faire des éloges d'une personne et à parler en bien sur une personne. Ça, c'est une recommandation que tu leur fais de l'écouter, de lire, de revenir à lui. Et ça, c'est quelque chose de dangereux qui peut engendrer le fait que la personne ne mérite pas tout ce que tu as dit sur elle. Et tu vas induire les gens en erreur à cause de ce que tu dis. فَلَيْتَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ النَّاسِ يَتَوَقَّفُونَ عِنْدَ ذَلِكِ Yani, il dit, comme il serait souhaitable que ceux qui font les éloges des autres s'arrêtent à ce sujet-là. C'est-à-dire, tu connais, tu as vraiment des informations claires sur cette personne, tu parles en bien, sinon, tu t'abstiens. فَلَا يُزَكُّونَ إِلَّا مَنْ تُوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ التَّزْكِيَةِ Faut pas faire les éloges de quelqu'un, sauf si il mérite d'être recommandé, etc. يَنَّ التَّزْكِيَةِ شَهَادَةِ Parce que c'est un témoignage que tu es en train de faire. Tu témoignes que c'est une personne de droiture, de bien, etc. فَإِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ صَارَتْ شَهَادَةَ زُورٍ Si ce que tu dis c'est faux, ça devient comme un faux témoignage. قَوْلُهُ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ السُنَّةِ Yani, tu feras les éloges de quelqu'un qui a réuni les caractéristiques de la sunna. خِصَالُ السُنَّةِ تَكُونُ فِي الْعَقِيدَةِ وَفِي الْعِلْمِ وَفِي الْعَمَلِ وَفِي الْإِقْتِدَاءِ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ Quelqu'un qui a une croyance qui est sereine, qui a de la science, qui applique ce qu'il dit et qui prend comme exemple les pieux prédécesseurs. أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة فلا تحكم عليه أنه من أهل السنة. Quelqu'un qui a qu'une caractéristique de أهل السنة ne lui attribue pas cet attribut-là. بموجب خصلة واحدة أو شيء واحد. Quelqu'un qui a qu'une caractéristique, il ne faut pas que tu lui accordes cette recommandation. فكيف بمن ليس عنده شيء منها. Que dire alors de ceux qui n'ont rien à voir avec la voix des pieux prédécesseurs. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله أصل 72 هوى أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. Donc l'auteur rahimahullah dit, poursuit en disant, Abdullah ibn al-Mubarak a dit, les fondements des 72 sectes sont en nombre de 4, et de ces 4 sont subdivisés, se sont subdivisés les 72. Les 4 sont Al-Qadariya, Al-Murji'a, Al-Shi'a et Al-Khawarij. Sharh explication. Qawlu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn al-Mubarak min al-Tabi'in, ou min atba' al-Tabi'in. Il était au deuxième siècle. Vous vous rappelez de ces dates? Lui, c'est facile. Il faut juste tourner les chiffres. Un kibar tujjar, un grand commerçant. Et il a un livre qui s'appelle Zod. 118-181. Il a vécu le même nombre d'années que le prophète, 63 ans. Naam. Il dit donc Abdullah ibn al-Mubarak, Aslu 72 hawan, arba'atu ahwa. La base des 4 des 72 sectes reviennent à 4 fondamentales. Famin hadih al-arba'ati ahwa, tasha'abat 72 hawan, al-qadariyatu wal-murji'atu wal-shi'atu wal-khawarij. Hada zakarahu al-muallif fi awwal al-risala wa sharahnahu hunak. Ça, on en a parlé au début du livre, dans le tome 1. Vous pouvez revenir à ça, on en a déjà parlé. قوله أهواء لأن الذي حملهم على الافتراق هو الهوى. Donc il dit pourquoi les adeptes de la passion, parce que c'est la passion qui a divisé. C'est la passion qui a divisé. كل يتبع هوى. Chacun suit sa passion, ce qu'il voit de juste, etc. لو يتبع الحق ما تشعبوا إلى 73 فرقة. Il dit, s'ils avaient suivi la vérité, ils ne se seraient pas divisés de la sorte. الذي يتبع الحق ما يتشعب به الهوى فكل واحد يركب هواه قال تعالى فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون. Allah dit dans le Coran à propos de cela, surat numéro 23, verset numéro 53. Ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant ce qu'elle détenait. Chacun met en avant ce qu'elle contient. كل واحد يتبع هواه الأهواء لا تنتهي ولكن الحق واحد لا يتقسم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Il dit donc que chacun met en avant ce qu'il voit de réel, ce qu'il considère, et les passions des gens n'ont pas de fin. Chacun il a une idéologie, chacun, vous voyez bien, encore au jour d'aujourd'hui, il y a des sectes qui naissent, voilà. ولكن الحق واحد لا يتقسم. قال تعالى, Allah dit dans le Coran, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. صراط واحد. Un seul chemin, فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Sourate 6 verset 153. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها. Celui qui sort de ce chemin droit, celui qui sort de ce chemin droit ira dans les chemins déviants qui n'ont pas de fin. Ensuite, les quatre sectes principales. قوله القدرية هم الذين يتكلمون في القدر. قدرية, comme leur nom l'indique, ils ont un problème au niveau du destin. Problème principal. أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. Croire au destin, bon soit-il ou mauvais, c'est un des six piliers de l'Iman. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Croire aussi, fondement de l'Iman. Comme dans le hadith de Jibril. بأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ. C'est-à-dire que Allah l'a prédestiné et l'a écrit dans la tablette préservée. وشاءه وأراده. Qu'il l'a voulu وأوجده سبحانه وتعالى. Et qu'il l'a, qu'il lui a donné existence, qu'il l'a créé. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. Les gens de la Sunna croient à ces quatre étapes. Je répète qu'Allah l'a prédestiné, qu'il l'a écrit, qu'il l'a voulu, qu'il l'a créé. الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربع المخالفون لهم على فريقين. Ceux qui contredisent les gens de la Sunna sont de deux catégories. الفرقة الأولى, la première, القدرية النفات الذين ينفون القدر. Donc القدرية, de ceux qui rejettent le destin. ويقولون كل واحد يخلق فعل نفسه. Ils disent chaque personne crée son propre acte. ولم يقدره الله عليه. Allah n'a rien prédestiné auparavant. وإنما هو الذي فعله مستقلا. C'est lui qui a créé son propre acte indépendamment de ce qu'Allah aurait voulu. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. Ça c'est la conviction de la secte de المعتزلة et ceux qui sont sur cette même idéologie. الفرقة الثانية, la deuxième sorte, c'est القدرية المجبرة ou المجبرة. C'est ce qu'on appelle الجبرية. Ceux qui affirment le destin, affirme trop le destin. Il y a ceux qui rejettent le destin à l'absolu et il y a ceux qui affirment le destin à l'absolu. Dans quel sens? الذين يغلون في إثبات القدر. Ils exagèrent dans l'affirmation du destin. ويقولون, disant que العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل. La créature n'a aucun choix, aucune volonté et aucun acte qui est attribué à lui-même. Les autres disent que la personne elle a l'acte, ce qu'elle a fait, c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a voulu, même si Allah il voulait pas ça, il l'a quand même fait. Ceux-là ils disent que tout ce que la personne elle fait ou elle dit, elle a absolument aucun choix. وإنما هو فعل فعل الله فيه. Mais c'est Allah qui l'a contraint à faire ce qu'il fait. فهو كالريشة يحركها الهواء. C'est comme une plume, c'est comme une feuille plutôt, ريشة, qui est transportée par le vent. Le vent, il transporte une feuille au milieu de la route, après il l'emmène à un autre endroit, elle ne peut rien faire la feuille, elle est transportée. Et c'est comme un mort, un défunt, un cadavre, devant la personne qui est en train de le laver. La personne qui le lave, le mort ne réagit pas. S'il tourne son corps, ou alors il le pose, ou alors il le lève, le mort, il n'a aucune volonté. Comme on fait de lui, il ne peut rien faire. Mujbarun laysa lahu ikhtiyar. Il n'a absolument aucun choix et il n'entreprend rien. Ha'ula yusammawna al-mujabbira. C'est ce qu'on appelle al-jabriya. غلاو في إثبات القدر. Ils ont exagéré à tel point qu'ils en sont arrivés là. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ مِنْ اِخْتِيَارِهِ وَأَفْعَالِهِ. Ils ont dit que la personne, la créature n'a aucun choix et tous ses actes ne sont pas attribués à lui. وَجَعَلُوهُ مُجْبَرًا عَلَى أَفْعَالِهِ لَا يُصَلِّ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَزْنِي بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يُزَكِّي بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَأْخُذُ الرِّبَا بِاخْتِيَارِهِ. Il ne fait pas la prière de sa volonté, et il ne fait pas la fornication de sa volonté, il ne donne pas la zakat de sa volonté, il ne prend pas le riba, l'usure, les intérêts de sa volonté. وَإِنَّمَا هُوَ مُجْبَرٌ كُلُّ وَاحِدٍ عِنْدَهُمْ مُجْبَرٌ. Celui qui fait du bien, il a été forcé, celui qui fait du mal, il a été forcé. هَذَا قَوْلُ الْجَبْرِيَّةِ. Donc ça c'est la parole de الْجَبْرِيَّةِ. Donc il y a الْقَدَرِيَّةِ النُّفَاتِ et الْقَدَرِيَّةِ الْغُلَاتِ الْمُثْبِتَةِ qui sont الْجَبْرِيَّةِ. La deuxième c'est قَوْلُهُ الْمُرْجِئَةِ. الْمُرْجِئَةِ, donc ils ont une relation avec l'espoir. هَذَا فِي بَابِ الْإِيمَانِ. Ça c'est ça également attrait à la croyance, l'iman. والإيمان وهو كما عرفه السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc il dit chez les gens de la Sunna, l'iman c'est cinq choses: parole avec la langue, conviction avec le cœur, acte avec les membres, il augmente avec l'obéissance et baisse avec les péchés. Ça c'est chez les gens de la Sunna. Al-Murji'a, yaqulun, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? Al-a'mal la tadkhulu fil iman. Les actes ne rentrent nullement dans l'iman. Fa idha kana mu'taqidan bi qalbihi wa law taraka jami' al-a'mal. Si la personne a la croyance dans son cœur, même si elle délaisse tous les actes, elle fait rien, juste avec son cœur elle croit. Law ma salla wa la sama wa la fa'ala ayya shay'in yadkhulu al-jannah. Il ne fait pas la prière, il ne jeûne pas à Ramadan, il ne fait rien, absolument rien, il rentrera au paradis. والإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. Chez eux, l'iman n'augmente pas et ne faiblit pas. C'est un seul bloc. لأنه في القلب, parce qu'il est dans le cœur. فإيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس عندهم سواء. La croyance ou la foi, si on peut dire comme ça, de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, et la foi du plus débauché, plus pervers la plus pervers des créatures, chez eux c'est pareil, parce que c'est un seul bloc, l'iman n'augmente pas et ne faiblit pas. لأنه في القلب. Donc ça c'est les murji'a, qui sont murji'a tabaqat, il y en a qui sont moins graves que d'autres. قوله الشيعه. الشيعه هم الذين يزعمون انهم يحبون اهل البيت. C'est ceux qui disent que prétendre aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويتشيعون لعلي, et ils prennent le parti de Ali رضي الله عنه وذريته, et de ses enfants, sa descendance. ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم, prétendant que Ali et sa descendance, les gens de son époque, ont été injustes envers lui. وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول, et que الخلافة, le premier calife, normalement c'était Ali, c'était pas les trois qui l'ont précédé. وَأَنَّ عَلِيًّا هُوَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ils ont dit que Ali, c'est lui, yani la recommandation du messager après lui, c'était pour Ali. وَأَنَّ الصَّحَابَ سَلَبُوهَا مِنْهُ وَغَصَبُوهَا مِنْهُ فَهُمْ ظَلَمَةٌ وَطَوَغِيتٌ. Et ils ont dit donc que les sahaba ils lui ont pris le khilafa. وَغَصَبُوهَا, الْغَصْب, c'est la violation. C'est-à-dire que ils lui ont enlevé de force le khilafa. Abu Bakr il l'a pris, puis Omar, puis Uthman, alors qu'en vérité c'est Ali qui aurait dû la prendre en premier. فَهُمْ ظَلَمَةٌ وَطَوَغِيتٌ. Donc ils disent que Abu Bakr, Omar et Uthman, ce sont des injustes et des transgresseurs et des tyrans. فَهَذَا اعْتِقَادُهُمْ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. هَذَا اِعْتِقَادُهُمْ. Voici leur conviction. قَوْلُهُ وَالْخَوَارِجِ. Les خَوَارِج هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ بِالسَّيْفِ. Ce sont ceux qui se rebellent sur le gouvernant avec l'épée, c'est-à-dire avec la force, avec les armes. L'épée, c'est pas dit obligatoirement. L'épée, ça peut être avec des armes plus modernes. إِذَا حَصَلَ مِنْهُ خَطَأ لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ. Quand le gouvernant il fait une erreur, qui n'atteint pas le degré de mécréance, il se rebelle contre lui. وَيَشُقُّونَ عَصَ الطَّاعَةِ وَيُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكَبَائِرِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ. Il refuse d'obéir aux dirigeants et déclare mécréants les musulmans quand l'un d'entre eux est auteur d'un grand péché moindre que le shirk. فَمَذْهَبُهُمْ يَتَكَوَّنُوا مِنْ شَيْئَيْنِ. Leur idéologie est composée de deux points principaux. الأول الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا الطاعة. Le fait de se rebeller contre les autorités, les gouvernants, un musulman, et le fait de ne plus leur prêter allégeance, ne plus leur obéir quand ils ordonnent quelque chose. والثاني تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك. Deuxième, c'est déclarer mécréant l'auteur de grands péchés qui est moindre que le shirk. يحكمون على الزاني بأنه كافر وعلى السارق بأنه كافر وعلى أكل الربا بأنه كافر وهكذا هكذا مذهب الخوارج. Pour eux, le voleur est mécréant, celui qui mange l'usure il est mécréant, etc. Voilà l'idéologie des خوارج. وهو مذهب الغلو والتشدد. Donc c'est cela les extrémistes. C'est sur eux qu'il faut mettre le mot extrémiste. والعياذ بالله ويحملون السيف على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. حديث في الصحيحين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ils vont combattre les gens, les croyants, les musulmans, et ils vont laisser les adeptes des idoles, c'est-à-dire les kuffars qui sont clairs, ils vont les laisser et ils vont combattre les gens qui ont attrait à l'islam. ما عهد في التاريخ أو ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتل الكفار أبدا. Ce n'est pas connu dans l'histoire que les khawarij ont combattu les mécréants. Jamais. Mais ils se rebellent sur les croyants spécialement. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. Donc ensuite il dit, celui qui donne priorité à Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali sur les autres compagnons n'évoque les autres qu'en bien et invoque pour eux est totalement sorti du chiisme. Charh explication. قوله فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف للشيعة. Ça c'est l'idéologie des gens de la Sunna contrairement aux chiites. Donc le fait de faire passer priorité à Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. فأهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم Ali. Donc, dans cet ordre-là. On a déjà dit auparavant que ces quatre-là, c'est dans Al-Khilafa. Il y a une divergence chez Ahl-Sunnah sur l'Afdaliyya. Est-ce que Ali il est mieux que Uthman ou Uthman il est mieux que Ali? Qu'a cité Cheikh l'Islam dans l'Wasitiyya et Jumhur Ahl-Sunnah, la grande majorité écrasante, c'est que Ali, Uthman il est mieux que Ali. Mais la yudallal man faddala Ali ala Uthman. Celui qui dit que Ali est mieux que Uthman, ça a une base chez les gens de la Sunna. Il ne faut pas considérer quelqu'un comme étant contredisant les fondements de la Sunna s'il dit ça. Par contre, l'haqiyya fil khilafa, c'est Uthman avant Ali. Différence entre l'afdaliyya et celui qui était plus méritoire dans l'khilafa ou celui qui devait prendre le fait d'être gouvernant des musulmans. راجعوا للوسطية vers la fin, vous trouverez ce passage. والشيعة يقولون علي هو الخليفة بعد الرسول. الشيعة disent que Ali c'est lui le calife après le messager. وخلافة الثلاثة باطلة. Ils disent que le califat des trois premiers est un califat nul. ويكفرون أبا بكر وعمر. Ils déclarent mécréant Abu Bakr et Omar. قوله ولم يتكلم في الباقين. Donc celui qui fait primer ses quatre compagnons sur les autres et ne parle pas en mal sur les autres compagnons. Min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa bi khayr wa thana in alayhim radiyallahu anhum. Celui qui parle bien sur les compagnons ودعا لهم et qui invoque en leur faveur. بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة au lieu de les maudire comme les maudissent les chiites أو يذمهم كما يفعل بعض الناس ou le fait de parler mal sur eux comme le font certains gens يذم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة مع أن الواجب العكس يعني quelqu'un qui parle mal sur les compagnons ou sur certains d'entre eux alors que l'obligation qui incombe aux musulmans c'est de parler bien sur les compagnons من أولهم إلى آخرهم du premier au dernier الصحابة كلهم على خير الواجب الثناء عليهم ومدحهم il faut donc les complimenter وعدم الدخول في حقهم وتخطئة أحد منهم et ne pas parler yani, sur leur honneur etc ou déclarer qu'un d'entre eux aurait eu tort لأن الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة car Allah a fait leurs éloges dans beaucoup de versets والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم le messager a fait leurs éloges également et a été satisfait d'eux والذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال celui donc qui celui qui parle mal sur les compagnons ou sur un d'entre eux fait partie des adeptes de la bid'a des adeptes de la perdition parce qu'il y a ijma' là-dessus comme l'a cité le Harb al-Kirmani et d'autres ijma' là-dessus sur سكوت sur ce qui s'est passé entre les compagnons que الصحابة خيار الناس بعد الأنبياء وكذا ويكون مخالفا لله ولرسوله في حق الصحابة donc il aura quelqu'un qui parle mal sur un des compagnons sur les compagnons en général il aura contredit ce qu'Allah a cité ce que le messager a cité فلا يجوز أبدا الدخول في حق الصحابة لا في أفرادهم ولا في جماعتهم إلا بخير ne pas parler mal sur un des compagnons ou sur l'ensemble des compagnons ou un groupe de compagnons لما لهم من الميزة على الأمة à cause de la distinction et du mérite qu'ils ont sur la nation فهم خير القرون ils sont la meilleure des générations وأفضل القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم et le meilleur la meilleure des générations avec à l'appui le témoignage du messager lui-même قال خيركم قرني يعني القرن الذي فيه الرسول عليه السلام فهم خير القرون donc les meilleurs des gens ce sont de mon siècle ولم يتكلم في الباقين لا في أفرادهم ولا في مجموعهم إلا بخير قوله فقد خرج من التشيع أوله وآخره c'est-à-dire quelqu'un qui agit de la sorte est sorti du تشيع est sorti de l'idéologie des chiites du début à la fin c'est-à-dire il est sorti du schisme tout entier من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم وأثنى على بقية الصحابة فهذا مذهب أهل السنة وفيه البراءة من التشيع c'est-à-dire que celui qui fait devancer ces quatre là dans cet ordre là Abu Bakr puis Omar puis Uthman puis Ali et qui fait l'éloge des restes des compagnons بقية العشرة وأهل بدر أهل بيعة الرضوان tout ça il est sorti de l'idéologie des Shia du début à la fin puisque c'est un des fondements principaux qu'ils ont c'est le fait de dire que Ali a été son droit a été bafoué etc نقف عند هذا وصارت لا إن شاء الله رست بوكو رست ممكن درسين أو ثلاثة بتدو تباكور ماكسيموم أبقى نرى ترمين الكتابة quelqu'un veut rajouter quelque chose أنا ما عندي نفس الترقيم استرشاد استرشاد سي واحد يطلب الرشد ايه يبغى يتر اورينتي تلقى مثلا في المطارات دون لي زايروبور كذا ارشادات بيرو دانفورماسيون كلكان لي بيردو ولا حاجه يبقى لابا يقول له tu cherches telle chose va à tel endroit etc mais neuf ceci quelqu'un vient pose une question il cherche à être orienté il cherche pas à troubler les autres le point 161 les quatre de base Qadariya ou Shia ou Khawarij et là c'était le Murji'a c'est pas le Jahmiya pendant l'Ubha on a ça c'est ceux qui disent 5 et faire le Cheikh Najmi il cite 5 il dit le Jahmiya اللي يقول 5 يجيب لي 5 هذو اللي يقول 4 يجيب لي 4 هذو يعني من قال بخمسة الى ايزون راجوتي الجهميه من قال بأربعة ايزون سيتي سي 4 لا اي سو كي ديز 4 اي شانج افيك الجهميه ما اذكر انا جي با لو سوفنير كو اي شانج مي كي بلوتو كي سيتي سي 4 لا انصامبل Et ceux qui citent 5, ils citent ces 4-là plus Al-Jahmiya. Allahu alam. Et dans le temps, c'est qui était avant Entre qui et qui Murji'a et Al-Jahmiya. Le Murji'a, Allah Madri, Matadaharu, quand ils sont apparus. Mais Al-Jahmiya, ils sont apparus tôt. Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, c'est parmi les sectes qui sont apparus tôt. Les plus tôt, c'est le Khawarij et Shia. Ça a commencé très tôt. Par la suite, Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Mais Murji'a, exactement, quand est-ce que cette idéologie elle a apparu, elle a pris du terrain Allahu alam. Hatta Al-Qadariya, ils sont apparus tôt. Hadith Qissa avec Abdullah ibn Omar. Quand il a dit, si vous rencontrez ces gens, dites-leur que Abdullah ibn Omar bari'un minhum, ou annahum bara'un minni. Yani, je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. En tout cas, sur les quatre, là, trois, ils étaient du temps des sahaba. Yani, ils sont apparus. Le Shia, le Khawarij, ou le Qadariya, oui. Murji'a, je ne sais pas. La date et les années, ou à peu près même le siècle et tout. Allahu alam. في نرى إن شاء الله في القشين هذا والله أعلم كان فيه صفحة شغل مولا كنا في الأسمان الدرنير شاكين في كل باج اللي في موجل 256 التروي سبيان سكننا دي الأسمان الدرنير التريث لغفلكسيون فلا بد من التروي في هذه الأمور استغلتي شخص مولا سبيان دي رواية ولا تشفى نعم سبيان دونك لغفلكسيون يفو أبور لأتر رفلشي دون سوشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك